de social bizarre, elle est vide. J'extrais un parfum si perfide. D'un an d'excipient, son air si vide. Je reste insatiablement avide. Et pourtant j'avance dans la peur de croire en cette vie sans pudeur qui m'a saigné à blanc d'un cutter. Cicatrice qui m'a fait tant horreur. Evitar eso complicado.